Chapitre 6e. Où donc se rendait Mademoiselle d'Ansangallo? Ce fut alors une savante filature par les petites rues tranquilles de ce très calme quartier. Savante en ce que les passants se faisaient relativement rares. Bianca voulait s'apercevoir qu'on la suivait et reconnaître en Ned Bjork, attaché à ses pas, quelqu'un déjà rencontré au métro, dans le tramway et à l'église. Cette insistance même à la suivre, si elle l'avait remarqué, risquait fort de le trahir en lui donnant l'éveil. Aussi ralentissait-il le pas, laissant la distance s'accroître sensiblement entre eux, sans pour cela perdre la jeune fille des yeux. Un instant, elle manqua lui échapper. Brusquement, elle venait de disparaître à un tournant, s'engageant dans une rue que bordaient de droite et de gauche quelques maisons seulement. Elle n'avait franchi la porte d'aucun des immeubles, ainsi qu'il put s'en assurer, en parcourant d'un pas rapide la petite voie de bout en bout, l'œil aux aguets. Une boutique alors attira son attention, la seule qui se trouva dans cette rue déserte. Un de ces magasins de marchandes à la toilette, doublé d'un vague commerce d'objets d'art d'occasion, qui abondent dans ces parages. À l'intérieur, il aperçut soudain deux femmes se retirant vers l'arrière-boutique, une vieille nu-tête, la commerçante, sans nul doute, et une autre toute jeune, en qui Ned Bjork venait de reconnaître la silhouette de Bianca. Ainsi, c'était ce louche Capharnaüm que Mademoiselle d'Ansangallo honorait de sa visite. Dans quel but et pourquoi s'entourer d'un pareil mystère? De plus en plus intrigué, le détective était décidé à tirer la chose au clair. Mais comment? Le plus simple encore était de fixer son choix sur un objet quelconque en vitrine, puis d'entrer en demander et discuter le prix. Un coup d'œil jeté dans l'arrière-boutique lui apprendrait peut-être ce que la jeune fille venait chercher là. Une tabatière ancienne, au couvercle orné d'une miniature, fut le prétexte de l'entrée du détective dans le magasin. Il était là depuis quelques instants à peine, quand, de derrière une tenture formant portière, surgit la vieille qu'il n'avait encore vue que de dos. La portière ainsi relevée pour le livrer passage permit à Bjork de plonger du regard dans la pièce du fond qu'éclairait une ampoule électrique, dont la lumière était doucement tamisée par un plafonnier à verre opaque. Une table ronde se dressait là, recouverte d'un vieux châle des Indes au ton passé, sur lequel un jeu de tarot se trouvait disposé en demi-cercle. Un large fauteuil habillé d'une housse en crétonne, de propreté douteuse, siège d'où la pythonisse venait sûrement de se lever pour venir au-devant de son client dans la boutique. Une chaise enfin qu'en ce moment occupait Mademoiselle d'Ansangallo, les yeux perdus sur les tarots étalés. Ce fut comme le rapide passage d'un film à l'écran. La vision de cette scène bizarre s'évanouissait soudain, disparut derrière les plis de la portière retombée. Mais elle avait permis au détective de découvrir une partie de l'énigme. La fille du comte, poursuivie par la hantise de son tout proche destin dévoilé, s'entourait du plus profond secret pour venir consulter une tireuse de cartes. Ici, le mystère redevenait difficile à percer. Agissait-elle de son propre gré? Ou bien plutôt obéissait-elle à quelques criminelles suggestions, à cette influence étrangère dont l'Américain avait du premier coup soupçonné l'existence? Bjork penchait pour cette dernière hypothèse et semblait entrevoir dans la Teresa non plus la complaisante confidente favorisant le caprice de sa jeune maîtresse, mais bien l'instrument aveugle d'une puissante volonté qui, elle, poursuivait obstinément un but caché. Tout venait le confirmer dans la théorie qu'il s'était faite de l'affaire. La voix quelque peu cassée, éraillée, vieillotte même de la marchande, vint le rappeler brusquement au sens de la réalité. L'objet de sa visite au magasin? Cette tabatière cornait une miniature ancienne. Un coup d'œil de connaisseur averti, un prix faiblement débattu et l'acheteur s'éloignait, son acquisition en poche, sans avoir pour un instant éveillé le moindre soupçon chez la vieille femme, heureuse de l'aubaine inattendue. À Teresa maintenant, songeait Bjork en s'apprêtant à franchir d'un pas rapide la distance qui le séparait de l'église. Il n'était point encore arrivé au coin de la rue qu'il s'arrêtait brusquement, l'esprit inquiet, lancinait par une pensée qui semblait l'obséder. L'image de cette vieille femme, sa physionomie aux traits tourmentés, lui revenait en mémoire avec une persistance qui l'étonnait malgré lui. Où donc avait-il déjà vu cette tête qui ne lui était pas inconnue? Il avait beau chercher, il ne trouvait pas. Un instant, il voulut revenir sur ses pas. Il avait même rebroussé chemin, s'arrêtant encore. Mais non, une seconde visite à la boutique pourrait paraître suspecte. Il serait toujours temps de revenir là plus tard, le lendemain, par exemple, rien ne pressait. Mais, tandis qu'il tergiversait ainsi, en proie à une hésitation qui cependant ne lui était pas habituelle, il n'avait pas remarqué que quelqu'un suivait son manège d'un regard curieux. Un petit café de piètre apparence, un marchand de vin plutôt, faisait le coin de la rue, et dans ce quartier bien paisible en tout temps, mais plus encore à ce moment de la journée, les clients sont assez rares. En attendant ceux qui fréquentaient sa maison à l'heure de l'apéritif et de la manie, le brave bistrot, en bras de chemise, avait été attiré sur le pas de sa porte par les singulières allées-venues du détective. L'étrange persistance de ce regard scrutateur ne pouvait manquer de frapper Ned Bjork, pour qui ce fut un trait de lumière. En raison même de leur métier, les bistrots sont en relation étroite avec la police qui, souvent, trouve en eux d'utiles auxiliaires, surtout par les indications qu'ils sont à même de lui fournir. Qui sait, si en se faisant connaître de celui-ci, l'Américain ne pouvait pas en obtenir d'intéressants renseignements sur cette vieille qui l'intriguait si fort. Rien ne pressait Bjork maintenant de retourner à Sainte-Marie-des-Batignolles, où Farrell poursuivait sa tâche. Son ami lui rendrait toujours compte en temps voulu de ce dont il aurait été témoin. Il était plus opportun, peut-être, de prendre quelques informations sur cette bizarre cartomancienne. Aussi se décida-t-il à franchir le seuil du petit café d'un pas délibéré. Deux ou trois tables de marbre, désertes à 7 heures, tenaient toute la salle, et Bjork s'assit à l'une d'elles en commandant une consommation. Inviter le cafetier à lui tenir compagnie n'avait rien qui pût déplaire à ce dernier, et la conversation, tout d'abord engagée sur un sujet banal, devait bientôt prendre la tournure que le détective voulait lui donner. « Dites-moi, patron, » fit-il en baissant un peu la voix, « je vois qu'on peut vous parler en toute confiance. » Qu'est-ce que donc cette espèce de décrochez-moi ça là dans la rue ? Le bistrot leva sur lui un regard amusé, puis un gros rire qui le secouait dans toute sa corpulente personne et baissant la voix à son tour, avec un clignement d'œil plein de sous-entendus, il marmonna « Ah, je me doutais bien aussi que vous en étiez. » Bjork n'avait jamais appartenu à la police. Néanmoins, grâce à des relations étroites qu'il avait eues avec un chef de la sûreté, il possédait une carte du service que ce dernier lui avait donnée à toutes fins utiles. Il tire donc un portefeuille de sa poche et en sortit la carte dont la couleur seule, bien connue du bistrot, suffit à convaincre celui-ci qu'il ne s'était pas trompé. « Vous voulez parler de la vieille Simona ? » fit-il en étendant la main dans la direction de la rue. « Oui, je ne sais pas au juste comment vous l'appelez. Je veux dire la marchande à la toilette, la tireuse de cartes aussi. » « Eh bien, c'est ça même, la mère Coco. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble bien que sa tête ne m'est pas inconnue. « Je comprends, » déclara le bistrot. « Mais vous ne connaissez que ça, voyons. Madame Simonin est un vieux canasson de retour. Cherchez bien dans vos souvenirs. 20 fois elle était pincée pour vendre de stupéfiants. Ah, c'est une honte qu'une bonne femme pareille. On a beau la surveiller, la prendre sur le fait, la coffrer, ça ne l'empêche pas de continuer son petit business. » Que c'en est dégoûtant. Et le brave bistrot se lançait déjà dans toute une diatribe à l'adresse de ces marchands de poison, contre les agissements desquels la société n'était pas suffisamment armée. Il aurait pu continuer longtemps ainsi. Bjork, pourtant, coupa court à son indignation, désireux d'orienter leur entretien dans la direction qui l'intéressait le plus. « Beaucoup de monde chez elle ? » demanda-t-il brusquement. « Ici ? Oh, pas tant que ça. Des bonnes femmes maboules. Plutôt qu'ils viennent se faire dire des menteries par les cartes. Mais son trafic de coco, c'est pas dans cette boîte-là qu'elle s'en occupe. Elle a un coin, quelque part, à Montmartre. Ah, je vous dis pas qu'elle ne vend pas un peu de neige ici à quelques-uns des louvetins qui y viennent, mais c'est du casuel, ça. » Ned Bjork en savait assez sur le compte de la vieille, qui à ses yeux devenait plus dangereuse encore, maintenant qu'il la savait faire le commerce des stupéfiants. Les propos du bistrot étaient une révélation pour lui. Daniello Salviati, qu'il supposait être l'âme de tout ce complot ourdi autour de Bianca, était-il donc plus criminel encore qu'il ne l'avait pensé? Et non content d'accroître la nervosité de la jeune fille, en mettant son esprit à la torture par les transes d'un avenir inconnu, cherchait-il aussi à faire chavirer son cerveau par l'usage des stupéfiants. C'était fort possible, après tout, et il résolut de savoir à tout prix à quoi s'en tenir à ce sujet. Le mieux était de ne pas différer plus longtemps une seconde visite au magasin de la dame Simonin. Avec ce qu'il venait d'apprendre, il lui était aisé de la faire marcher. Et s'il s'était fait la complice du compositeur, le détective saurait bien lui arracher la vérité. Mais il se demandait encore où il avait bien pu voir cette tête de vieille et à quelle occasion. Il avait quitté le bistrot en le remerciant de ses renseignements et se dirigeait déjà vers le décrocher Moissa quand des souvenirs se firent plus précis dans son esprit. La mère Coco. Ah, mais il se souvenait fort bien d'elle maintenant. N'était-ce pas dans une affaire relativement assez récente de trafic de stupéfiants? N'avait-on pas rappelé que la veuve Simonin avait été jadis l'habilleuse de la Zamboni, cette danseuse dont la mort tragique à Milan avait eu qu'un grand retentissement en Italie? Ned Bjork était présent à l'audience de la correctionnelle. Et si la mère Coco avait été acquittée par suite de tout un concours de circonstances singulières, le détective n'avait pu s'empêcher de remarquer cette physionomie étrange demeurée gravée dans sa mémoire. Ainsi donc, il retrouvait sur son chemin, par le plus grand des hasards, ce personnage équivoque qui avait joué un rôle plutôt louche dans un drame auquel Salviati avait été mêlé de très près. Et quel rapprochement encore entre ces deux êtres dans l'affaire dont Ned Bjork s'occupait en ce moment. Ah, décidément, le hasard aujourd'hui l'avait favorisé.